lure de Silo Hind à Brezonek. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezonek. On se retrouve pour Hind à Brezonek. Kentel Pemkan. Huizek, Henri. 516. Ça va bien, Henri? Matré. Bon. On commence par Guerriou Arvu. Oui. Alors aujourd'hui, c'est un mot qui est en même temps un verbe. C'est dibab. Alors j'ai pensé traiter ce mot-là parce que l'autre jour j'écoutais une émission justement sur RKV et où j'ai entendu une quinzaine de fois le verbe dibab. Et c'est un verbe qui est en train de monter dans le breton actuel parce que traditionnellement on utilisait soit chouas, soit dibab. Mais c'est pas tout à fait le même sens, quoi. Donc c'est un mot masculin, un dibab, le choix, le tri, la sélection, le casting en français moderne. Voilà. Donc il s'agit de choisir quelque chose. C'est plutôt trier d'ailleurs que choisir. C'est-à-dire que, par exemple, on va dire dibab pato. Hein. Donc c'est choisir les pommes de terre qui sont consommables ou celles qu'on va utiliser comme semences, dibab rad pato. On disait aussi pour un maçon dibab meigne, hein, quelqu'un qui savait dibab meigne, qui savait bien choisir ses pierres pour faire la maçonnerie autrefois, hein, parce que c'était avec des pierres irrégulières et les bons maçons avaient tout de suite le regard pour choisir la pierre qui va aller à tel endroit. Voilà. Et alors donc le verbe c'est dibab ou dibaban, hein, si on met une terminaison, et le participe passé dibab. Hein. Voilà. Alors l'origine du mot, selon Albert Dehay, c'est un mot d'origine obscure. Hein. C'est ce qu'on emploie quand on ne sait pas d'où ça vient. Malgré tout, ça suppose, comme il y a le préfixe « di » devant, ça suppose qu'il y a un contraire qui devait être « pas bon » ou quelque chose comme ça, quoi, hein, donc séparé en fait, hein, séparé, on disait dans la Bible « bon grain de livret », hein, voilà. Il y a une idée de jugement là, hein, toujours dans cette affaire-là, hein, d'un critère. C'est-à-dire que on utilise un critère pour trier, par exemple, quand je reviens aux pommes de terre, un dibab pato, c'est trier les bonnes pommes de terre, hein, voilà. Donc c'est pas tout à fait le même sens que choix. Par exemple, aujourd'hui dans le breton d'aujourd'hui, on va dire dibab or gwas pe or grec, or vrek, hein, choisir un mari ou une épouse. Autrefois, on n'aurait jamais dit ça parce que ça supposait qu'on trie dans un grand nombre, dit Bob. Hein. Donc, choix, c'était un peu différent. Par exemple, il y a la chanson Mi ma choix, je dormais stress, une barousse cannule. J'avais choisi. Hein. Là, c'est un choix. Hein, c'est plus compliqué que dit Bob. Dit Bob, c'est trié. Hein. C'est plus élégant, oui, voilà. C'est des choses un peu différentes, voilà. Alors, beaucoup d'expressions, hein, avec dibab, hein, deuxième dibab, du premier choix, quoi, hein, qu'on emploie aussi assez souvent, comme ça, voilà. Ober und dibab, hein, faire un choix. Dibab, c'est une autre façon de dire, hein. Un mzibab, c'est se débrouiller, quoi. Un mzibab, c'est un peu un sens différent, c'est le verbe réfléchi. Un mzibab, se débrouiller. Deux mzibab, donc je l'ai déjà dit. Dibaber, un dibaber, c'est celui qui va trier, qui va sélectionner, hein. Voilà. Quand on dit choisir aussi, donc on avait emprunter le verbe français, choise, hein. Asiwa de choise, par exemple, sur un marché, hein. Voilà. Dibab. Bon, ben, voilà à peu près tout ce qu'on peut dire là-dessus. C'est la différence entre Choise et Dibab. Oui, ce serait Dibab, ce serait plutôt trier, quoi. Hein. Et Choise, ce serait plutôt le verbe français choisir, quoi. D'accord. Voilà. On en reste là pour Garioard-Vué. On passe à la seconde partie. Brezhoneg, tant m'attend. Brezhoneg, tant m'attend. On continue avec Herri de découvrir les mots gaulois qui, parfois, ont inspiré les mots bretons. Est-ce que je suis dans le bon sens, là, Henri ? C'est parallèle, en fait. C'est-à-dire que les racines, c'est des racines qui sont des racines celtiques, qui sont les mêmes, mais le breton ne vient pas directement du gaulois. Enfin, là-dessus, il y a des thèses quand même... Hein, par exemple, le chanoine Falhan disait que le breton, en particulier le Vante, dérivait directement du gaulois. Mais c'est plutôt, en fait, la même origine, l'origine britonique, hein, donc qui fait qu'il y a beaucoup de mots... plus on avance dans l'étude du gaulois, justement, parce que on a découvert des inscriptions, et puis les linguistes ont beaucoup travaillé là-dessus depuis quelques années, et plus on se rend compte qu'il y a une convergence entre les... la langue gauloise et la langue bretonne. Voilà. Alors, on avait terminé sur Dorna, hein, voilà. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu de Duro. Duro, c'est pas un sonneur bien connu. Hein, c'est ça vient peut-être de là, j'en sais rien. C'est la porte en gaulois, quoi, qu'on trouve... alors, cette terminaison... de nom de lieu, c'était Oduro en gaulois qui a donné des formes R, E2RE en pays d'Oï, donc dans le nord de la France, hein, par exemple comme Auxerre, Tonnerre, tout ça, ça vient de la porte. C'était des villes qui étaient des entrées de quelque chose. Voilà. Alors, et ça a donné War en pays d'Oc, hein. Issoire, par exemple. Hein, alors, en breton, on a Dour, hein, qui d'ailleurs donne une mutation particulière, Enour, qu'on ne compte pas souvent. Voilà, et Dour en anglais aussi. Hein, voilà. Alors, en E maintenant, Eburo, c'est l'if, arbre sacré, qui a donné plein de noms du lieu, hein, sous des formes, par exemple... Évreux, Ivray, Ypres en Belgique, York en Angleterre. Alors, les noms gaulois étaient souvent des noms Eburo Magos, par exemple, le marché de l'If, Eburo Yalo, la clairière de l'If, et ça a donné des noms de villes aujourd'hui en français, quoi. Alors, des fois, il faut chercher pas mal parce que le nom français est souvent très éloigné quand même du nom gaulois. En breton, c'est un peu différent, c'est Yvin, hein, l'If. Par contre, la bruyère, Évor, se rattache à l'If. On sait pas trop pourquoi, mais parce que ça ressemble pas à un If, hein, mais Évor, c'est la bourdelle, hein, en breton. Les frères Morvan disent quad du, hein. C'était utilisé pour faire des paniers. Très, très... La bourdaine, oui. Voilà. Pas l'if, non. Voilà. Alors, épo. Épo, c'est en gaulois, c'est cheval. Alors, ça se rapproche du breton ébel, hein, qui est le poulain. On a vu déjà cassica, hein, qui désigne la jument en kazakh en breton. Il y a aussi un mot marcos, hein, qui a donné en français maréchal, qui était au départ le domestique chargé de l'entretien des chevaux, et puis mar en breton. Hein. Voilà, donc les noms liés au cheval sont assez voisins des noms gaulois, hein. Les noms en breton sont assez voisins des noms gaulois aussi. Et épulo, hein, épulo poulain, c'est eubel en breton, hein, et épula, pouliche, hein. Voilà, nebel en breton, quoi. Voilà. Alors, gabro ou gapro, c'est la chèvre en gaulois, hein. Breton gaur, hein, et latin capro, capri aussi. Voilà. Un mot abstrait, galodia en gaulois, qui désigne une puissance spirituelle. Hein. Et qui est à rapprocher du breton Galoud, hein. Galoud le pouvoir, hein. On avait fait une émission là-dessus, hein, il n'y a pas très très longtemps. Voilà. Ici, ça sonne tout le temps. Garena, qui est un terrain broussailleux, hein, qui a donné le français Garenne, hein, qu'on trouve dans des noms de lieux, comme Clichy-la-Garenne, où j'ai vécu une dizaine d'années à Clichy-la-Garenne. Bon, on voyait plus beaucoup de garennes dans ce coin-là, hein, à cette époque-là. C'est Guare, mon breton, hein. Voilà. Garir est un verbe, hein, qui veut dire crier, gémir. Alors c'est garme en breton, hein, ou garmine, dans le même sens. Genua, qui est la bouche en gaulois, qui a donné des noms de villes et des noms d'estuaires aussi, comme Gênes par exemple, hein. Genova en italien, Genève aussi, hein. Voilà, et plus près de nous par exemple aussi, près de l'estuaire, Genawas, c'est l'Arguenon, hein. Oui, l'Arguenon, ça veut dire à côté de l'estuaire, quoi. Et bien sûr en breton, Genou, la bouche, hein, Genou. Genos, qui veut dire né de, fils de, qui t'a reproché, alors qu'on trouve dans beaucoup de noms gaulois, de noms de personnes, hein, le fils de, hein, on est souvent défini par son père. Hein. Ça, on trouve ça aussi en breton, un Mab, et puis qui a donné Ab, hein, Abalin, Abivin, Abéguilé, hein, le fils de l'autre. Voilà. Et Mac en gaélique, hein. Voilà. Donc le mot genos, hein, donc qu'on trouve c'est une racine indo-européenne, hein, qu'on trouve aussi dans d'autres langues, hein. Et en breton gandet, hein, gandet. Et puis pour terminer, Giamos, Giamos, qui veut dire l'hiver en gaulois et qui correspond au breton gouan. Voilà. On termine là-dessus. Braison Neck Tam Tam, et on va retrouver dans un tout petit instant Petra Zonévé-Hervrault. Eri, Petra zo neve ar vo. Petra zo neve ar vo, ben kalz e dro evel just boe ar vej di ouzan. Krogomp de diantan vel ki sa kustum gant ala bourdou ar hag ur vu e war ar mez. Tremenet e bremañ un nan, e ruyom ban 10-40 Hag ber an eus un de, a hir an eus un 11. Hag me strach o ma bra an amzer, hein. Vid miz gwen golo, fin miz gwen golo, oa ma trezen, chom o bra bet a goyon ol zent vel war lanne. Ze ve febe mat. Hag vid tout un dud, hein, vid zer ir maiz, vid zer ir betraves, vid chassourien. Ze zo mat ka adam zan vra, oa fin miz gwen golo, hag ba miz heire. Hein. Neus ke pelzo roaz ba miz gwen golo, oa ba razon salons rand vro, alor labour douar, vel de l'art de spas de zi, hag ar spas o bekrou et de tregont blasso, et vi diski d'un dud, pe sa labour douar zo bavro, ba preiz hama, ba normandi, enfin ba kuchol brohal, hag bepla ve kalz dud, a blam zo bet kalz politikour yon d'or an tam tro ba spas, hag komp jo vlour oa gant evi de labour er yon douar. Tout loin tom de ze labour douar hag prez d'or kalz drou evi de hefe gwell ar an tro oa dach an a labour douar. Ne ke red bou zou et gansé, pu dur, man votad goton, votad vid lak a don din ba oa kad ar veur brovrans, hag tout de politikour yon zo kambali, on tombe pe bler bavro. Bon, c'est tu zo belard kal se drou, mais oa ranke da gen vo der et tout de promesse aux un, vi de labour er yon douar. Tremene de i ve voir vu la neuske gwal belzo, après si ge vo voir djer yon, ba mis heire. Gwegel oa ous penze, voir lar yon gos de no vis heire, a voir plus jidi de ney vis du. L'ar vije ba voir plij di, o neubel ba priz o hi. Pu dur benahan oa eo gwal bon, gwerzan neubel hag bon, oa iz le priz evel just. Hag d'un tri viz here vo voir just mat vi le neubel yon ba plantel vel bepla, quoi. Hag ar vo kalz diez a kroaz evel just a kalz dut. Chomo montam, vraiment, oa ar dachen labour douar, hag un andro. Ur stal Bayer, zo hana un vad ba bro Allemagne, stad ar a louzeier chimik vid la Bordoua, zo hont de bren o ur stal Monsanto. Zo hana un vad gant un no GM, ur maïs Monsanto, hag gant ur roundup dra istol. Hag bon zera yo pestal braz, hag tam a tam, ya amzor de zon de la Bordoua tre Kraban ou un neub stal yo bras dises ou les danet ou ar bedol. Bon, ma trez ne ke l'on dra gwal vaz vid de l'ar bourdoua. Dans mon temps, bremañ ou ar hench ou evro, a pe ve komz deus hench ou evro, vejo ou ve komz deus un nentou arn. Spen c'hoer rugen vlasso, ou a bet gred ur linien, hentou arn tre gwen gant ma pempoul. De houlse oa bet gret kalz linen o houarn breizize, le hentouarn, a deus an rez ne chom tin, ne chom ket tin, me gwen gamm karez a gwen gamm pempoul. Bon, lar oa bet ma trez den vije bezer ad linen tre gwen gamm a pempoul, me benefin vo miret, hag vo gret de labour vid nevez ad an traou. Bon, setu, bon, vo gret, divise zo bet ob ur labour war linien se. Setu bromen vo zeret pa de eiz miz vid ur labour yaouz. Me c'hel oa kader an evil de niz pignou ka ze gustatie c'hru evel just. A setu vo ro de daugen dre gant ur an vro breiz. Stad bro hal a rei ugen dre gant. Departement Odo en Arvor onek dre gant. Hag ar peurest, pe chomo de bè, o vo peet gant eus trolad ou parouj ou tro ar dro. A setu, vo zera de linien hentou an tre gwen gant ma pempoul, pa de izmiz, a pa de namzorz, vo evel just, kiri boutin evit kaz a digaz en dut, reda pe en train euro, quoi. Bon, sais-tu, vos prestes, linen, puis vos rues de TGV, neve baguengam. De ce politiquer, ne la rien que calzedra, hervégement, qu'à bon, cleve de calzedra ouz gant le politicourien, puis yom vota des gouoton, a beta vraiment ne niche que goalu, le divise ou jirioas. comme je vais calze de l'identité, mais de son identité, le stris, son identité, le zeret, à que zénora que calze spi, et vide un homme, de zone, et vide un tut. À que, vraiment, bêta vraiment bop de spis musguelet, ne ce que noir un règne, mais de jacobine, d'un jacobine rue, jacobine du, jacobine gwen, bep sort liou, mais jacobine tout. C'est une acque gualule, un divise, ouais. Dipitus et on tombe, gualette, péganisel, j'ai chaud, même trop. Bon, dans mon tombe, vraiment, ouais, d'ache, les événements. Ne ce que pelzo, d'un trier vis gwengolo, ouabit, ben, nuel, gua, d'or philosophe, velvelard de galac. Non, philosophe, zo deux, deux agressions, de, zo, on dîne, à gagar, vu en os. Ag philosophe ze oa deud uel gwa de vid ober or brezegen, di war ben Victor Segalen, ag deus meus klev eud oa mil dud o chila oen an. Ag mil triran. Mil triran, ya, ya, ya. Hui oa bet? Non. Nor ke bet. Met mi oan kade, a meus ket tiens pas boudet, philosophe ze zo o nan deus penou bras ba brovrans, ag morvan le besk ni oa diske disquezet pe sa mod oa rez défenseur patenté des droits de l'homme rez blichte diven guirio mabdin on tamme pe bler oa ur bet mais pas ma bro pa bro france quoi puis genre ben c'est une hemen de skomz de ze maori en ma peson de ze komz de zevena du maori de oa red di wal de sei mais peso comes peso goût le grand tempête jonge et des heures braison de na un wa que ma mes comme jou peut dire voyen de braison de gader yesu guasket ag ya la rendar morvon le besque ni wa big red on displega de noirze ban il ever comment peut-on être breton dans leur abon na hadlen morvon le besque qu'à toute pièce de cela elles au guir roi jios ni que d'être calzen trop à rogue bon vraiment il y a peon comme de ces justement ma treizaine peu sclève de business lard de Nolwenn Corbel puis wabé de awa matré hein il y a clève me ziba au habad il y a ben il y a justement ag il y a wa broatré hein business lard hein war war zé hein plus dur bon il y a la lead wabed un trop hug un herminique collier de l'hermine so perro et Nolwenn Corbel avec Jan van Jacques à Dowell so bit un usbed à beplave ro de trop hug en herminique Jan van Jacques et pau de Zorin war Ergelo en ya a geus o labour a dvid TGMB. TGMB, ya stal ra kalz dro un gelano evid vugal e ag gelo en ya. Pe on o komz de stud neus labour e kalz viz evena dur ur vro, ne veso e et nan ang Serge Kerguiduf. Serge Kerguiduf oa ge vegan ba mont tourles, bla tri a da ugen, ag bede o hand ar brude de au nom de Zobet, bah, blavé, j'y ai dit qu'à Trugen, pis, ouah, bon, had grand idig, zévena, dur, braise, on tombe, ag, ouah, l'air, boué, ouah, tientor, ouah, ouah, zu, zon eres, royeré, lutte, ag, bon, j'ai que clé, calstin, mais de, bonne BD au honneur brude de Huls, à ne se grette calst, drau, évident, vro. Bon, c'est-tu un temps de spéçonner, oui, avec Ben Végel, vous l'arrêtez, Kenoiri. Ya, Kenavo, Morgane.